Selon le journal d'internet sud-coréen Tongilius, 12 victimes sud-coréennes de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise ont entrepris le 30 août un procès aux autorités sud-coréennes pour réclamer le dédommagement. Et selon Yonhap News, les victimes Kim Bok-tong et Kil Won-ho ont tenu le 26 août au quartier de Mapo, Séoul, une conférence de presse pour critiquer la servilité des autorités sud-coréennes qui tentent de tolérer les crimes japonais du passé avec quelques sous d'argent.